boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Quoi de mieux qu'un Juliette Lewis, récente héroïne de la série Avoir absolument Yellow Jackets, pour ouvrir notre pop and rock sur RVR qui débordera ce soir d'énergie nécessaire pour commencer ou finir sa journée. Big D. I went to school and I got the big D. time to worry your mother. Excuse me. What? Excuse me. What? Hey, you, in the front row. Are you coming backstage after the show? Because I got a chaise longue in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume. On the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue. On the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue. Fin de journée sur sa chaise longue, c'était à l'instant les Wet Leg qui nous ont accompagnés. Allez, on se lève et surtout on monte le son pour un des derniers titres des Smashing Pumpkins. Where the sun won't pass. I never. débordé d'énergie, j'aurais pu vous envoyer les Pixies ou encore le Virgin de Manchester Orchestra, mais j'ai plutôt choisi ce soir les Undertones ou encore Weezer pour remuer vos méninges, qui sûr vont avoir plein de souvenirs qui vont remonter avec la péripatéticienne la plus célèbre du rock. Yeah. don't have to put on a red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Première bulle, premier souffle du soir, le titre que je préfère du nouvel album des Placebo. Drying. bientôt dans Pop and Rock sur RVR, une longue interview des franco-suisses de Raskolnikov. Les potes d'Albert Roche arrivent par contre tout de suite dans vos oreilles. Raskolnikov, faut pas faire chier Albert Roche. Petite info, leur nouvel album arrive bientôt. Conseil, reprenez vite votre souffle car voilà tout de suite les Français de We Hate You Please Die qui nous envoient leur Coca-Cola. Try.

goes out to the one I love. Fire! Fire! Fire! J'écoute R.E.M. depuis bien longtemps et quel plaisir lorsque j'ai récemment découvert le One I Love qu'on vient d'écouter. Le rock, c'est ça, la multitude, la découverte perpétuelle, l'énergie, comme dans le Party Girl de U2 qu'on ne trouve pas en album studio mais seulement sur le live at Red Rocks. Tiens, et puisqu'on est dans les oldies but goldies, prenez donc une petite dose de Grand Breton. Being twisted. Pop'n Rock, on aime donc les grands bretons à la coupe de cheveux genre mulet, mais on aime également les ricains à la barbe longue. Rumors spread around, and that takes a time. But the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on. Rings. They got a lot of nice girls. How? Ok, on est pas mal au 20e siècle, mais vivre dans le passé peut être renier le 21e tout autant en rock, notamment grâce au Tell Me What You Want des Weezer. Ok, Weezer, c'est peut-être un petit peu trop gentil, alors voilà la cavalerie des Warlocks. Avec le Buddha's Band, les Warlocks nous offrent sûrement actuellement les meilleurs instrumentaux. Mais tout ça reste très subjectif. Revenons donc à l'évidence avec l'incontournable I Feel Fine de Tinya. Frustration ce soir car j'aurais aimé vous envoyer encore Children of the Sun, 16 Horsepower, Bob Mould ou encore Karl Barat, Eddie Jenfield, mais c'est aux Waterboys que revient l'honneur de clore notre 176e Pop and Rock qui en 1983, la magnifique année 1983, nous offrait A Girl Called Johnny. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit et bis à tous. We'll be right back. Vous êtes encore là? Allez, un petit cadeau avec un petit bout encore des Waterboys. Sweet life.